confort après une journée hardcore. Manger apporte une douceur au corps. Tu te sens plus fort, après tu es prêt pour retourner à l'effort. La graille est plus précieuse que l'or, s'il y en a plus c'est mort. Alors le monde essaye de clore, le problème du remplissage de ventre. La répartition entre les pays riches et pauvres sont au centre de ma préoccupation. Alors rentre dans mon tiers monde, dans mes appartements où il y a le micro-ondes. On sait que dans d'autres pays ça manque d'onde, que la journée des gens ne peuvent pas manger, alors qu'à 5 secondes de leur vie bidon sont placés des riches quartiers où des poules pondent, où les barbecues jamais ne fondent. C'est le genre de situation qui me fait poser des questions. Je me demande à quand les améliorations. Pour l'instant, se baser par rapport à la télévision n'apporte pas la bonne vision pour accomplir des missions. En parlant de missions, je pense en accomplir une importante grâce à ma diction. Le but, chasser toute cette malédiction afin que l'on mange sans se soucier de ce qui dérange. Misère, rage, argent, tout ce bordel étrange. Il faut qu'on mange car le tiers monde a faim. Et mange alors que la faim nous mange. À force on est bouffé par les crampes. Je prie pour que ça change car ceux qui mangent s'en privent sur le dos du monde et rien ne les dérange. Et mange alors que la faim nous mange. À force on est bouffé par les crampes. Je prie pour que ça change car ceux qui mangent s'en privent sur le dos du monde et rien ne les dérange. Ils mangent. Oh yes, je le dis maintenant, ils mangent. Oh yes, alors que la faim nous mange. Oh yes, elle nous prend jusqu'au ventre. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Big up, big up, OTG. Big up, big up, big up, au sexy. Big up, big up, madame qu'on appelle DJ Jamel. Big up, madame qu'on appelle Bayel. Yes, yes, qu'on appelle Majir. Yes, yes, big up, au sexy. Big up, au sexy.